Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule, avec comme d'habitude les créateurs de Sens Exalogie. Aujourd'hui le premier podcast de la saison 2, et aujourd'hui j'ai réussi à réunir tout le monde. Un podcast qui a pour thème Sens, un jeu dangereux, point d'interrogation. Et pour discuter de tout ça avec nous, Benjamin Béliez est là. Bonjour. Pierre Fournier. Bonjour. Flavie Garnier. Bonjour. Et Thomas Poussou. Bonjour. Et là également. Alors, tout d'abord, on va commencer par les actualités qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter la dernière fois parce qu'on n'a pas réussi à se réunir. Alors, les actualités, il y en a eu pas mal. Bon, bah, la première actualité pour nous, c'est qu'on a un an. Donc voilà, on va se souhaiter un joyeux anniversaire. Hein, voilà. Joyeux anniversaire, le podcast. Voilà, joyeux anniversaire. Et j'ai fait un petit bilan sur Internet. Vous avez eu l'occasion de le lire ou pas du tout? Oui, Non. Oui. Oui. Alors, votre bilan personnel à vous? Bah, c'est bien. C'est passé vite. C'est passé vite, hein, non? Ouais. Ouais, très vite. Ouais. On a quand même réussi à se réunir à peu près tous les mois. Est-ce que ça vous a plu cette expérience de podcast? Est-ce que vous recommencerez cette année avec d'autant plus de motivation? Ah oui. Ou est-ce que ça commence à vous emmerder? Non, le podcast est devenu film porno. Ok, donc Fly, ceci n'est pas un podcast sur les films de boules amateurs allemands. Merde, je me suis trompé. T'es pas obligé de te rhabiller. Ok, bon bah. Donc oui, du coup on va rester là pour le podcast, c'est sûr. Hein, on va faire une deuxième année, pas de problème. Pas de problème là-dessus. Bon bah nickel alors. Bon, ouais, je suis content de pouvoir compter sur vous parce que c'est dur à faire tout seul. Hein. Le dernier je l'ai fait tout seul et ma foi. Bah quand même un petit merci aux auditeurs hein, nous écouter tous les mois. Claire, et ils sont de plus en plus merci nombreux. Merci beaucoup donc, les auditeurs. Ça nous fait vraiment très très plaisir de pouvoir vous offrir ce podcast par mois. Alors je sais que les podcasts sur 100 sont un petit peu moins suivis que les podcasts hors série. Mais tout de même, les podcasts hors série, enfin, vous savez ce que c'est les drogues douces mènent aux drogues dures. Donc voilà, les podcasts hors série amènent un petit peu quand même les gens à écouter les nôtres. Donc c'est cool, donc c'est bien, donc je suis content. Bon bref, donc voilà, c'était un petit peu pour le bilan de l'année dernière. Place au futur, place à cette année. Et on commence par une petite actualité que je n'avais pas eu l'occasion de soulever la première fois. C'était la petite chronique musicale de Picatoulou sur le site internet de Terres Étranges. Il a fait une petite chronique musicale sur Sens Renaissance. Donc, comme on a fait un petit peu la même, je sais que vous avez été déçus, auditeurs, qu'il n'y ait pas plus d'anecdotes sur quelle musique on utilisait, comment on les utilisait. On vous fera un podcast là-dessus, ne vous en faites pas. Mais en attendant, pour d'autres musiques de Sens Renaissance, je vous conseille d'aller voir la petite chronique de Picatoulou sur Terres Étranges. L'autre actualité, c'est la critique qui a été faite de Sens Renaissance sur Sci-Fi Universe par Vincent, donc du staff de Sci-Fi. Flavie, tu as eu l'occasion de la lire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai trouvé que globalement, c'était une bonne chronique. Elle se base sur Rebirth et pas sur Death. Ouais. Sur Renaissance et pas sur Mort, pardon. Il parlait énormément de l'aspect ludique du jeu qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est vraiment très présent malgré un jeu de rôle dit philosophique. Donc il disait que ça, c'était une réussite. Maintenant, il disait que... le fond était moins intéressant que la forme, mais en même temps, c'est vrai que dans Renaissance, ça reste quand même une histoire un peu plus basique, donc tu l'avais toi-même dite. Moi, j'avais l'impression qu'il avait lu les deux et qu'il soulignait les défauts pour amorcer en fait, vers Sens Mort et dire voilà, ça a été corrigé, ça reste encore en suspens. Oui, complètement. Ouais. On sent que c'est qu'une première critique et que la deuxième va suivre. Bobo, tu as eu l'occasion de la lire ou pas? Ouais, aussi, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, mais je l'ai trouvé très juste dans le sens où les points forts et les points un peu moins forts du jeu sont. Son avis rejoint le mien. Ouais. Voilà, c'est Sens Renaissance, hein. Il n'est pas exempt de défauts. Hein. Ouais, non, mais moi j'aime bien Renaissance, donc je l'aime bien avec ses qualités et ses défauts. Quand il parle que c'est au niveau de la forme qui est un peu moins intéressante que le fond. Ouais. Non, c'est plus le fond qui est moins intéressante que la forme, il me semble. Bref, en gros, il dit que les règles. Ouais. Et la façon de jouer sont vraiment amenées de façon très intéressante. Ouais, je crois que c'est tandis ça. Que le fond, toute l'histoire avec un gros méchant, tyran, des gens sur Terre et tout, pour lui, ça lui semblait moins intéressant que ce qui permettait de lier les règles avec tout ce qui était celluliste, mêlée fiction et réalité. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il prend totalement le contre-pied de Lutin sur ce coup-là. C'est-à-dire ? Je crois que Lutin avait dit que le système était plus... donc dans la critique qui avait été faite sur JDR Mag, le système est plus, comment il disait, anecdotique que... Oui, il pensait que lui, le système était anecdotique et ne servait pas tant voilà, que ça, vu que alors c'était que l'univers était plus sans développé. D. Et il pensait... En fait, c'est vraiment deux critiques, c'est vraiment complètement deux critiques différentes, complètement finalement. Opposées, en fait. Puisque ouais. Les points forts pour l'article qu'il y avait dans Roleplay JDR Mag. Lutin. Ouais. Pour lui, les points forts, c'était l'inverse des points forts qu'on peut voir dans la nouvelle chronique. Mais maintenant, c'est les règles. Le temps pour l'autre, c'était pas ça. Ouais, c'est spécial. Hein. C'est... Bon. Et il disait aussi qu'il fallait que, quand même, ils se rejoignent sur un truc. Il faut que le maître de jeu fasse un gros travail en amont. Mais bon, ça, c'est pour n'importe quel jeu de rôle, en fait. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'ils sont assez d'accord là-dessus. Moi, je trouve qu'on est quand même suffisamment sexy pour mériter plus que 7,5 sur 10. J'aurais préféré une meilleure note. Mais tu veux que je renlève ma jupe ? Bon, quoi qu'il en soit, moi, je trouve aussi que c'est une bonne critique, celle qu'a fait Vincent. Et bien voilà, pour les actualités, on a à peu près fait le tour. En fait, il y en a une qui est cachée dans ce podcast, vous verrez. Et puis, peut-être une autre, mais qui est à venir, c'est qu'apparemment, Casus Belli va bientôt faire paraître une critique de sens également. Donc, on attend ça avec impatience. Je ne sais pas ce qu'ils vont en dire. A priori, ils ont dû recevoir les bouquins aujourd'hui ou ils vont les recevoir la semaine prochaine. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Alors, tout de suite, sans plus attendre, on va passer à vos questions sur le forum. Elles ont été nombreuses et on ne pourra pas toutes les traiter. On ne va pas traiter les questions que Adrien nous a posées sur le thread de Volion, parce que là, à mon avis, ces questions nécessitent un podcast à elles toutes seules. Ce sont des questions sur l'immersion, donc on ne les traitera pas. Donc on va se contenter des questions qui nous ont été posées par Soldevan, qui est un nouveau sur le forum de Sens et qui vient de Rennes. Donc Soldevan, si tu nous écoutes, j'espère qu'un jour tu pourras venir avec nous participer à ces podcasts. Il est à Rennes, hein, comme nous dans le temps. Alors, ces questions sont concentrées autour de la réplioïde. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a peur que, vu que ses joueurs choisissent des équipements de plus en plus balèzes, et ce, dès le début du jeu, il a peur que ça dégénère très rapidement. Donc, vous connaissez une méthode, Thomas ? Alors, si je me souviens bien de sa question, c'était que, effectivement, donc, chacun de ses joueurs avait un nouvel équipement à la fin de chaque scénario. Ouais. Et que c'était les genres d'équipements que ses joueurs lui demandaient, c'était devenir invisible, avoir des ailes pour voler. Et donc, à la fin, il se retrouvait effectivement, à la fin en tout cas de Sense Rebirth, qui est 6 scénarios, plus des scénarios supplémentaires que lui fait jouer, d'avoir une armure qui a 36 000 canons, capable d'aller à la vitesse de la lumière. Bah, pour limiter tout ça, je pense qu'il peut effectivement donner un équipement à chaque fin de scénario. Ouais. Par contre, en contrepartie, au lieu de donner directement un équipement qui le rend invisible, plutôt au départ qui camoufle, donc qui augmente en fait la rune de néant, qui est donc la rune qui permet la dissimulation, de 10%. D'accord. Et au scénario suivant, s'il veut encore améliorer cet objet, il lui redonne 10%. Donc là, il a un objet qui fait 20%, puis 30, 40, 50. Donc c'est en fait la solution que tu proposes. C'est une évolution progressive, telle que celle qu'a proposée Adrien. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est effectivement le mieux. Maintenant, après, s'il a des joueurs qui commencent à créer des objets moins bourrins, genre je me souviens d'un des persos que tu avais fait, qui était océanographe, et l'équipement que tu avais voulu, c'était pouvoir parler avec les poissons. Ouais. Ça sert seulement en scénario d'un point de vue, on va dire, enquête ou roleplay, mais le reste du temps, ça ne rend pas ton personnage super puissant. Ouais, en fait. Donc là, peut-être éviter de mettre une valeur de pourcentage de runes. Oui, Bobo ? Ok. Ouais, Benjamin. Éventuellement. Changer un petit peu la façon dont se déroulent ces scénarios, parce que s'il a peur que ses joueurs soient trop cheatés, c'est peut-être parce qu'il fait des... Il axe beaucoup ses scénarios sur peut-être tout ce qui est combat et dans le monde des joueurs. S'il les balance un peu plus dans le monde Android, les add-ons sur l'armure vont être moins utiles. Si je commence à mettre un viseur qui est capable de donner un 50% en mort de base, je suis dans le monde Android, j'ai toujours ce pourcentage. Ouais, t'as toujours le pourcentage, mais bon, face à des quadrillas qui ont des shields, ça va être un peu moins pourcent. Ouais. C'est ouais, juste non, mais adapter les, les situations du scénario aux équipements qu'ont les joueurs pour qu'ils soient pas trop bons. Après, je pense que dans cette évolution, il doit avoir à la base de sens mort, il imagine aussi sens mort, c'est-à-dire que déjà, il a 6 chroniques de base, plus je suppose qu'ils vont en faire, disons, 6 autres. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà fait 12 scénarios avant d'arriver à sens mort, c'est-à-dire qu'il a déjà 12 équipements supplémentaires. À sens mort, on ne passe pas dans le monde des ombres, ils vont pouvoir faire être complètement invisible. Donc ça me rappelle un scénar qu'on avait fait à sens mort, où justement on en avait discuté, qu'on trouvait que avec les armures qu'on avait, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Donc je peux comprendre pourquoi il peut avoir peur, mais il y a moyen de le limiter. Dans sens mort, le combat n'est pas tant physique qu'idéologique. Donc les combats dans mort, il n'y en a si pas tant. Si on regarde ça, les équipements qu'il a demandé, c'est des ailes d'ange qu'il a eu. Ces joueurs ont demandé des ailes d'ange, une combinaison qui rend invisible. C'est pas tellement des armures pour le combat. C'est plutôt pour le style, en fait, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pour, ça côté pour le roleplay, ça peut être intéressant. Maintenant, dans la chronique que tu as proposée, il y a 6 évolutions qui sont proposées au final. Donc au pire, il n'a qu'à proposer juste les 6 évolutions et sur les scénars hors chronique qu'il propose, une autre façon d'augmenter l'armure, justement, un petit peu plus pour le charisme. Ah, justement, c'était une de ses questions aussi. Ce sera à mon avis plus selon les joueurs qu'il a. Mais dans tous les cas, même si ces joueurs sont hyper cheatés, comme vous dites, quand ils vont arriver à sens mort et qu'ils auront plus le droit de tuer des civils, ça leur servira pas à grand chose. Hein. Je trouve qu'à sens mort, les civils, ça se tue bien. Oh là là, n'importe quoi. Je peux comprendre qu'il a envie de limiter l'évolution de ses joueurs, parce que souvent, en tant qu'MJ, on peut mettre des blocages en scénario pour éviter que les joueurs avancent trop. D'un point de vue physique, je parle pour les ailes. On peut très bien imaginer un scénario où en fait il fait tomber ses joueurs tout en faux d'une tour et ils sont obligés de monter un étage au fur et à mesure, ce qui permet de donner l'évolution du scénario. Donc si quelqu'un peut voler dès le début, il fait le blocage il n'existe plus, quoi. La question aussi qu'il pose, c'est est-ce que les équipements de l'armure apparaissent spontanément? Alors ça, je dirais d'aller écouter le podcast sur la Répliovid, où on avait parlé un peu de ce système-là, où à un moment, il y avait le passage obligatoire par Tata Solipsis, il y avait Pierre qui avait parlé plutôt d'une évolution naturelle, c'est-à-dire que l'armure s'adaptait, ça c'est, je pense, libre au MJ, quoi. D'accord, ok. Comme il le souhaite. Donc ok. Je disais plus selon les joueurs aussi, comment est-ce qu'ils ont envie de voir ça arriver. Est-ce que, oh là là, mon Dieu, je suis en train de me défendre et j'ai une nouvelle arme trop bourrine, ils peuvent faire arriver ça en roleplay aussi. D'accord, ok. Après, tout dépend de la table, des joueurs, donc, et du MJ. Hein. Donc ouais, je pense que la solution de faire des armures évolutives, avec des niveaux pour le camouflage, est une bonne solution dans son cas. La question, je pense que surtout ce qui est intéressant dans la question qu'il a posée, parce qu'il n'a pas été le seul à avoir posé cette question-là, non. Ce qu'il faisait ressentir, c'est qu'apparemment les joueurs avaient l'air de triper sur le jeu, sur l'évolution de l'armure. Ouais. Donc est-ce qu'il vaudrait un peu mieux faire une évolution graduelle pour effectivement que le joueur, son but, c'est de dire « Ah, il faut que j'arrive à faire le prochain scénar parce que je veux atteindre tel objet pour avoir atteint le stade ultime. L'armure d'or, quoi !» Ouais, je... Moi, je pense qu'il y a moins. Moi, je suis en tant que joueur, quand j'ai joué à Sens, l'évolution de l'armure, je l'ai perdu assez vite. Ça n'a pas été quelque chose qui m'intéressait. Donc, on me donnerait directement des équipements très forts, ça me suffirait. Mais ça peut être une forme d'évolution, d'évolution du jeu. Autre chose, par exemple, pour l'invisibilité, même sans rentrer dans des détails techniques de l'augmentation. Alors, moi, déjà, j'avais prévu que pour chaque objet, donner un plus 10. Plus 10 points en bonus dans un taux de rune. Donc si par exemple tu as des ailes niveau 1, on va dire, c'est un peu débile de dire ça, mais des premiers 10% ailes, en KO, quoi. Voilà, ça donne 10% en KO, parce que ça augmente tes capacités de mouvement. Maintenant, moi j'avais pas prévu que les joueurs fassent, enfin dans Sens Renaissance, c'est vrai que quand j'ai créé le système, je me suis dit ils vont avoir une pièce d'armure par épreuve, et comme il y a 6 épreuves, ils vont en avoir 6 au final. Mais c'est vrai que les joueurs, et là c'est de ma faute, j'ai totalement zappé, c'est vrai que les MJ vont faire leur propre scénar. Donc là, à ce moment-là, par contre, mon système, il bug complètement, parce qu'effectivement, il a raison, à la fin de Sens Renaissance, ils vont être trop cheatés. Voilà. Donc cette solution que propose Adrien, que tu proposes, Thomas, elle me semble carrément appropriée. Ouais, c'est la mieux adaptée, je pense. Un autre truc, c'est tout simplement de dire au joueur qui veut des ailes, il dit « Ok, Pardon. Ok, tu peux t'en servir de tes ailes, mais uniquement, par exemple, s'il y a un courant ascendant. Pour l'instant. Et puis après, peut-être, tu pourras voler vraiment. Mais là, pour l'instant, tu peux juste t'en servir quand il y a un courant ascendant. Pareil pour le camouflage. Ok, tu peux utiliser un camouflage, mais par contre, attention, les robots, les caméras de surveillance qui ne sont pas des humains, ne te voient quand même. Tu peux commencer à voir une autre forme d'évolution par exemple, progressive. Voilà, exactement. Tu peux trouver des évolutions. Mais moi, ce que je conseille surtout à celle de Van, c'est de faire en sorte que les joueurs, parce qu'il a le droit d'interdire à des joueurs de faire des évolutions, de conseiller à ces joueurs de prendre des équipements qui n'ont pas forcément un aspect folklorique ou je sais pas, saint-seyesque, même si bon, pourquoi pas, hein, nous on a joué un peu comme ça aussi. Mais de prendre des choses qui vont plus augmenter leur liberté en tant que joueur. Genre, tu vois, le truc pour parler aux animaux, par exemple, de manière originale de résoudre des enquêtes. Un truc qui va leur donner un vrai pouvoir. Parce que voler au final, c'est peu comme c'est pouvoir. C'est quand même assez utile face à un quadrilla qui lui peut voler. Ça c'est... peut faire des scènes de combat aérien. Ouais, mais voilà, on reste dans l'image, quoi. On reste dans le visuel. Par contre, du coup, si ces joueurs s'intéressent beaucoup à l'armure pour tout le côté upgrade, machin, ce qui serait bien à la limite, c'est qu'il enchaîne sur des questionnements à ces joueurs, à dire, les gars, pourquoi elles évoluent ? Pourquoi vos armures évoluent ? Comment elles évoluent ? Et en profiter pour poser des questionnements sur les origines de ce métal, pourquoi, après ça c'est en fonction de comment il joue, mais pourquoi il n'y a que Celepsis qui arrive à le modeler, choses comme ça, et au bout d'un moment s'ils s'intéressent à ça... Ou pourquoi elles évoluent toutes seules, voilà, pourquoi elles ont une énergie infinie... Donc si fait intéresser ces joueurs à ces points-là, au final ils seront moins axés sur le côté... combat, sur le côté... martial, visuel... Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pareil, attention, on parle de sens renaissance. Renaissance, c'est quand même beaucoup, beaucoup de combats. Quoi. Ouais, non, mais rien n'empêche de préparer le terrain à certains questionnements. Ouais, non, je comprends. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour sur les questions de Soldevan ? Je crois que. Surtout la grosse question. Ouais. Donc très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast qui est Sens, un jeu dangereux pour l'interrogation. Est-ce que Sens est un jeu qui peut poser des problèmes ? Eh bien, oui. Mais, vu ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi on passait des drogues douces aux drogues dures. Hein. Non, mais là, donc, j'ai eu l'occasion d'enregistrer Volion, donc, qui a posté, parce qu'à l'origine, cette question, on se la pose parce qu'il y a eu un rapport de partie qui a été fait de Volion sur Silent Drift, où il expliquait que ses joueurs ont arrêté de jouer au jeu parce qu'ils avaient été choqués par la fin du scénario proposé dans le kit d'initiation, donc la fin du scénario d'Akina. J'ai eu l'occasion d'avoir Volion en interview, ou en entrevue plutôt, parce que ce n'était pas vraiment une interview, c'était plutôt une discussion. Je vous propose de l'écouter et vous allez voir, ça fait se poser quelques questions quand même. Alors juste avant d'écouter, si vous pouvez juste nous rappeler en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin de Akina, parce que moi je ne l'ai pas lu. D'accord, à la fin d'Akina, les joueurs découvrent, enfin les personnages des joueurs découvrent les joueurs. Donc mettons si toi tu jouais Protecteur Thomas, Protecteur découvre Thomas, le joueur de Protecteur. Dans une capsule, dans le formol. Donc d'accord. En fait, on découvre qu'il y a dans Sens une relation entre la réalité des personnages qu'on joue et la réalité des joueurs qui les jouent. En fait, voilà ce qu'on découvre dans Akina. Et je vous propose d'écouter l'interview. Ça retourne, ça poutre. À tout de suite. Vas-y, envoie la purée. On y va. Salut Sylvain, on t'a au téléphone là, c'est cool. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu d'abord pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sylvain, j'ai bientôt 22 ans, je suis étudiant en psychologie à Aix-en-Provence. Ah, excellent. Comme mon accent le prouve, je suis du Sud. Ah, on ne l'entend pas des masses, ton accent, hein. Excuse-moi. Mon... Oui, c'est une grande fierté pour moi. Donc, je suis rôliste depuis quelques années déjà, ça va faire 7 ans. D'accord. Et récemment, j'ai eu le plaisir de découvrir Sens Exalogie sur la toile, grâce au poste de Romaric sur Cassius No, et ça a été un peu la grande révélation. Ah bon ? Bah écoute, je te remercie. Je te remercie, mais bon, en même temps, j'ai cru comprendre que tu avais eu quelques petites déconvenues avec ta première table, si j'ai bien compris. Ouais, on peut dire ça, ouais. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, parce que le podcast de la cellule de ce mois-ci, t'es en partie consacré à ce fiasco. On va un peu s'interroger avec les autres de savoir si ce fiasco se reproduira ou pas, et pourquoi. Donc du coup, je vais avoir quelques petites questions à te poser, ça te va ? Il n'y a pas de souci. Bon, alors la première question, c'est dans ton rapport de partie, tu disais que tes joueurs avaient été choqués. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Ça s'est venu sur la discussion qu'on a eue après au débriefing. Ouais. C'est que tous ont été en fait profondément mis mal à l'aise par la scène finale dans le laboratoire. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, l'immersion, c'était une chose. Ils en sont arrivés, ils étaient bien bien immergés, ils se retrouvent en fait dans un endroit sombre, avec des cuves de formol, et dans les cuves, ce qui semble être eux. Ouais, d'accord. Et ça, c'est pas du tout passé. Donc c'est ce qui est pas passé, c'est que ce soit eux en tant que joueurs qui soient à l'intérieur. Donc ça, faut bien préciser pour nos auditeurs. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du scénar d'Akina, les joueurs découvrent qu'ils font partie de l'univers fictif des personnages de Sens, et donc de l'univers de leurs propres personnages, des propres personnages qu'ils ont créés. Et donc à l'intérieur de ces cuves de formol, c'est eux-mêmes qui se voient, enfin les joueurs qui se voient. Et ça, donc, c'est pas du tout passé. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai pu en discuter après avec eux. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que on aurait eu une liste avec juste leur nom, ce serait passé. Ouais. Des corps anonymes dans des cuves, ce serait passé. Ouais. Et la combinaison des deux, ça passait plus. C'était un peu too much, comme on dit. Ouais, c'est exactement ce que tu disais sur le rapport de partie. Alors, too much, dans quel sens ? Est-ce qu'ils ont trouvé que ça faisait cliché, ou est-ce que ça les a dérangés ? C'est-à-dire, toi justement qui fais des études de psycho, est-ce que tu trouvais que psychologiquement ça les dérangeait, que, comme si on touchait à leur intégrité physique ? Exactement, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis vraiment un peu agressés. D'accord. Dans le sens où on les mettait face à eux-mêmes dans dans quelque chose de quand même profondément malsain. Des corps qui trempent dans du formol, c'est pas ce qu'on fait de mieux. D'accord. Et c'est ça qui les a mis vraiment très très mal à l'aise. D'accord. Après, faut bien préciser que deux des joueurs avaient déjà eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui s'était trop pris au jeu. D'accord. Et qui avait fini un an en hôpital psy. Donc ça leur a rappelé ça, et c'est vrai que ça a un peu rajouté au côté choquant. Ah là là, pas de bol. Et c'était des joueurs que tu connaissais beaucoup, un peu ? Non, c'est des joueurs avec qui je joue depuis plus d'un an en asso. Ouais. Et les connaissant, je m'étais dit, bon, c'est des vieux briscards, c'est du joueur qui en a vu. Ouais. Ça devrait aller, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Ouais. Okay. Et donc, finalement, c'est pas allé. Bon. Et ils t'ont parlé un petit peu de cette expérience avec ce joueur qui s'était un peu trop pris au jeu, ou pas du tout ? Ils m'ont juste mentionné qu'ils avaient un ami à eux à qui c'était arrivé. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas cherché à insister parce que ça aurait été un peu trop rentrer dans leur vie privée. D'accord, oui, bien sûr. Ouais, carrément. Ouais. Donc, comme en général. Là, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends que du coup, ça leur est paru encore plus dérangeant. D'accord, ok. Donc, tu penses que la liste des noms, c'est une bonne alternative ? Bah, pour l'avoir essayé ensuite sur la deuxième fois où j'ai fait le scénario d'Akina, ouais. c'est beaucoup beaucoup mieux passé. Les joueurs ont été hyper enthousiastes, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il y a nos noms, c'est la suite, on veut savoir. D'accord, ok. Ouais. Donc ça c'est vrai que dans le scénario d'introduction d'Akina, dans le scénario d'introduction de Blue Sky, hein, donc je fais en convention, je donne juste effectivement la liste des noms et uniquement ça. Donc ouais, effectivement, là, tu vois, j'avais déjà opté en fait avant pour ta technique. En fait, l'idée, c'est que moi, je voulais que le maître de jeu qui découvre le kit d'initiation, il puisse en fait s'apercevoir que le jeu allait impliquer les joueurs à ce point-là, si tu veux. Ouais. Donc, ce que tu vois par exemple dans Sens Mort, si tu as lu la suite, tu vois qu'il y a effectivement cette scène où ils se retrouvent dans des espèces de bocaux, etc. etc. Oui, tout à la fin, la grande révélation de Mort avec Sens qui est le MJ. Oui, tout à fait. Mais je pense que, mine de rien, la scène finale de Mort est moins forte, moins malsaine. D'accord. Déjà parce qu'ils ont le temps de s'y préparer. Et ensuite, ça reste jamais que des capsules fermées. Ouais, et puis contenant des joueurs de jeux vidéo, donc ça va, c'est moins choquant que... que des cobayes d'expérience où tu sais pas du tout ce qu'on leur a fait, et ça a pas l'air très propre. Alors c'est vrai que ça, c'est un truc aussi que je te dis peut-être pour l'avenir, mais a priori, ce sont pas des cobayes en fait, ce sont eux-mêmes qui se sont mis là-dedans. Oui, c'est ce que tu avais mis sur le forum en réaction. Effectivement, à la lecture du kit... C'est pas évident. Non, pas du tout, t'as tout à fait raison. Déjà, moi, en tant que MJ, quand tu m'as dit ça, je suis ah ouais, c'est vrai que ça change tout. Ouais. Mais du coup, difficile de faire passer aux joueurs, sachant que moi-même, j'en avais aucune idée. On va, on, on va revenir un petit peu sur les joueurs choqués, si ça ne te dérange pas 30 secondes. En fait, ils ne veulent plus jouer à ce jeu. Alors, c'est... exactement, j'ai une des joueuses avec qui j'ai beaucoup discuté, qui finalement m'a dit, sur le coup, ça l'avait vraiment choqué. Après, en réfléchissant, en ayant l'assurance que tout le jeu n'était pas comme ça, je me suis dit finalement, sens, ouais, pourquoi pas, l'expérience est à retenter. D'accord, ok. Et ensuite, j'en ai deux autres avec qui j'ai également discuté, qui m'ont dit, finalement, oui, mais sans nous, ça a été trop malsain. Ouais. Et parmi les deux autres, les deux derniers qui sont responsables de la cellule JDR de mon assaut ont tout simplement décrété que sans, c'était interdit à l'assaut. Ah ouais, donc ouais. Ah ouais, ça c'est quand même fou quoi. Alors quels étaient les motifs invoqués par ces gens-là pour dire que sans, c'était interdit? C'était tout simplement le fait que dans une association, c'est pas forcément avec qui on joue et que selon les personnes, ça peut provoquer de gros soucis. Bon, on adhère ou pas à cette idée. Quelque part, ils ont raison d'invoquer le principe de précaution. D'accord, ouais, carrément. Et toi, donc, ça t'a pas posé problème quand même, le fait d'avoir maîtrisé le jeu? Ils t'ont pas stigmatisé un peu comme un espèce de joueur foufou? Ah si, mais bon, comme je maîtrise beaucoup de jeux très malsains, du genre Cult, ouais. Finalement, ça a été que dans le prolongement de ma réputation. D'accord, ok. Est-ce que toi, personnellement, tu trouves que Sans est un jeu dangereux ou pas? Pas du tout. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas un jeu dangereux? Parce que finalement, le seul véritable amalgame qu'il peut y avoir entre la fiction et la réalité dans Sens se situe au niveau du MJ. D'accord. À mon sens, oui. Désolé pour le jeu de mots. Alors là, t'en fais pas, tout le monde le fait. J'imagine bien. Et à partir du moment où le MJ a eu le livre entre les mains, rien ne l'empêche de ne pas succomber à Sens, de le reposer. Tout à fait. Hein. Donc, finalement, les joueurs, le moment où l'amalgame pourrait se faire, c'est le moment où on passe à Sens néant et où justement ils refusent l'immersion pour pouvoir vaincre Sens. D'accord. Quelque part, il n'y a pas vraiment de danger. D'accord, ok. En tout cas, c'est ma vision. D'accord, ok. Très bien. On verra si lorsque Sens néant sera sorti, tu l'auras toujours. Ça sera intéressant de voir comment tu interprètes le jeu. Sens, c'est avant tout un jeu d'interprétation. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les joueurs et le maître de jeu soient amenés à interpréter les événements, interpréter le monde et donc découvrir des problématiques d'ordre philosophique. Le fait que ce soit un jeu dangereux, pour moi, c'est plutôt un compliment. Pour être honnête, parce que j'estime qu'à partir du moment où les choses peuvent nous faire, à partir du moment où quelque chose peut nous faire changer de vision de la réalité, ça devient dangereux en quelque sorte pour son équilibre ou pour les choses que l'on croit vraies. Si demain je t'apprends que la science c'est que de la foutaise ou que la psychologie ça repose sur des hypothèses qui sont absolument réfutées, ça va changer ta vie. Ça quelque part ça aura un côté dangereux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Mais je suis assez d'accord avec cette vision des choses. D'accord. C'est vrai qu'en ça, sans, c'est un jeu dangereux, mais d'un autre côté, ça devient une sorte de libération. D'accord, ok. Et les joueurs, à part ça, ont bien trippé la partie, c'est ce que tu avais l'air de dire dans le rapport de partie? C'est ça, ils ont les deux plus extrémistes, on va dire, dans l'anti-sens, trouvé le système de fait de cellulis trop intrusif. D'accord. Donc, dans... Le fait de noter des données personnelles, mais comme je l'avais dit, ça n'a rien d'intrusif puisque tu noteras juste une notée. De quoi? On t'a pas entendu, je pense. Tu peux répéter? Je disais, ils vont noter juste ce qu'ils ont envie de noter finalement. Oui, exactement. Ouais. Et voilà, c'est eux qui mettent les limites. D'accord, ok, très bien. À mon sens, c'est une fausse critique. D'accord, donc pour toi c'est une sécurité ça. Parce que en fait il y a même certains MJ dont Thomas Poussou qui participe à ce podcast qui par exemple lui ne demande de pas noter. Il dit moi je te connais, donc parce qu'on est entre potes évidemment, moi je te connais donc je sais de quoi t'es capable, de quoi t'es pas capable, tes passions etc. Donc on peut même ne pas les noter. Mais bon, dans ce cas-là on joue pas vraiment le jeu de sens, on va dire, mais pourquoi pas quoi. Non, c'est une façon de faire après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, je préfère quand même qu'on les note parce que ça oblige le joueur à se pencher un peu sur. Enfin, tu vois, à prendre du recul sur sa propre vie. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais pas écrire? Ouais, qu'est-ce qui est important pour moi finalement? C'est ouais. Déjà une forme d'introspection. C'est vrai que ça sert assez le but final de sens. Bah ouais, je trouve ça pas mal. Est-ce que tu as des questions à poser aux podcasteurs en ce moment? Parce qu'en fait, on va commencer par écouter cette interview et puis après, on répondra, on fera nos petites remarques. Alors oui, moi j'ai déjà une grande grande question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir une dédicace sur mes bouquins un jour ou l'autre? Bah oui, c'est si existentiel pour moi. Bah écoute, quand je passerai dans le coin, j'essaierai de voir si je peux si je peux venir te voir ou pas. Parce que tu les as déjà toi les bouquins, hein? Ouais. Je les ai déjà. J'ai acheté le jour où tu les as mis sur les net. Ah ouais, d'accord, ok. Tu connaissais déjà Sens avant alors? Quand tu as fait l'annonce sur Cassius Snow, j'ai téléchargé le kit d'initiation. Ouais. Et ensuite, j'ai attendu une semaine avec grande impatience que le site ouvre et qu'on puisse acheter les bouquins. D'accord. Ok. Mais comment tu disais tout à l'heure que tu aimais bien les jeux un peu dangereux ou que tu étais déjà catalogué, etc. Qu'est-ce qui t'attire finalement dans ce genre de choses? Ça va peut-être être redondant un peu avec les questions que je t'ai posées avant, mais... Quelque part, ce qui m'attire, c'est le fait de pouvoir jouer avec le... Alors, je sais, ça peut paraître un peu malsain, dit comme ça, de jouer un peu avec le... de les amener à se poser des questions. C'est... Là-dessus, on rejoint un peu Sens, mais pour moi, c'est plus des questions d'ordre psychologique que philosophique. D'accord. C'est un peu ma branche. À travers ce qui entoure les personnages, et ça, c'est quelque chose que... dans lequel je me suis tout de suite retrouvé dans Sens, c'est les amener à s'interroger sur la réalité. D'accord, ok, ouais. Donc c'est pour ça que j'apprécie les jeux où on interprète des personnages qui sont fous, parce qu'on peut facilement jouer sur la perception du réel. D'accord, ok. C'est ça qui t'intéresse vraiment dans le jeu de rôle ou non, c'est... Dans le jeu de rôle et même un peu en général, dans les films, dans les livres, rien ne me plaît autant qu'un film ou un livre où je découvre à la fin qu'on m'a menti depuis le début. Ah d'accord, ok. Ou quand je revois le film... Je vois tous les éléments qui étaient... Ma référence à ce niveau-là, ça reste Fight Club. Ouais. C'est une des références aussi pour Sens, même s'il n'y a pas d'histoire vraiment de schizophrénie dans Sens, mais ouais, ça... Je me souviens qu'on mettait les musiques, par exemple, quand on jouait. Enfin bref, c'est un film qui nous a beaucoup, beaucoup influencé aussi. Puis bon, il y a un message politique dans Fight Club qui est assez intéressant, je trouve. Oui, aussi. On adhère ou on n'adhère pas, mais il est là et il enrichit vraiment, à mon avis, la fiction, quoi. Ouais. Comment ça se fait, tiens, aussi comment est-ce que ça se fait que cette joueuse dont tu parlais tout à l'heure a continué à jouer? Pourquoi est-ce que le fait que tu lui en parles un petit peu plus l'a motivée? Je pense que ça l'a surtout rassurée en fait sur le fait que non, Sens n'était pas un jeu dangereux, non, Sens n'était pas un jeu où on allait pousser les joueurs jusqu'à leurs limites comme on pouvait le craindre avec la fin du scénario d'Akina. D'accord. Ou finalement que ce soit dans Renaissance ou dans Mort, il y a toujours quelques petits éléments. Mais plus qu'une émission de la réalité en fiction, c'est de la fiction dans la réalité, finalement. Ouais. Et je pense que ça l'a beaucoup rassuré de se dire que finalement, bah, c'était un jeu de rôle comme les autres, avec de temps en temps un petit truc qui donnait une autre dimension au jeu. D'accord, ok. Et ceux qui se sont vraiment braqués, à ton avis, t'as pas pu discuter avec eux de tout ça, peut-être? C'est ça? Non, que j'ai essayé d'en parler, ça a été non mais c'est un jeu dangereux, c'est pas bien, tu sais pas avec qui tu vas tomber. Et imagine, finalement j'ai jamais réussi à placer un seul truc sur ce qui est vraiment Sens. Mmh. Et ils sont toujours restés à ce qu'ils avaient vécu. Bon, on peut les comprendre vu qu'ils ont été choqués. Ouais. Bon, je le déplore, mais tant pis. Hein. Je pense que tu savais quand tu as mis Sens à disposition du public que la plupart des joueurs seraient réfractaires à ce jeu. Ouais, je pensais bien qu'il y aurait quelques problèmes, mais je pensais en fait que ces problèmes seraient vite dépassés par le fait qu'on se dise bon ben mais non, c'est qu'un jeu, etc. En fait, je pensais que les gens seraient assez pas rationnels, parce que c'est un petit peu méchant pour les gens, pour les deux personnes qui ont mal pris. Bon, c'est aussi dû à leur vécu. Mais tu vois, assez sensé pour se dire non, on n'édite pas un jeu en se disant qu'on va faire péter les plombs à ses joueurs. C'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que bon, bah, c'était un risque. Hein. Lorsque Sens a été publié sur le net, il y a quelqu'un qui a dit que c'était une secte. Enfin, j'ai eu le droit à tout. Hein. J'ai vraiment eu le droit à tout. Ça ne m'étonne même pas. Ouais, mais bon, c'est dommage de s'arrêter là. C'est... Voilà. Après, donne beaucoup à réfléchir sur beaucoup beaucoup de sujets, et il y a des gens qui veulent pas réfléchir. Ouais, bah ouais. C'est un petit peu ça le problème. Et bah, je te remercie Sylvain pour cette petite entrevue. Bah, merci à toi. Ça m'a fait très très plaisir de me sentir comme ça impliqué dans le chef-d'œuvre. Arrête putain. Comment tu me mets mal à l'aise. quoi qu'il en soit, je te remercie d'être intervenu dans ce podcast. Bah, je te remercie vraiment Sylvain. C'était sympa de causer avec toi. Merci à toi, Mike. C'était très très sympa. Allez, à plus. À plus. Salut. Bon, moi, je m'excuse d'avance de ce que je m'apprête à dire. Voilà. Il y a un truc qui me choque dans ce qui a été dit. Ouais. Et je vais me permettre de le dire. Bon, je m'excuse d'avance, je me ferai peut-être taper sur les doigts après, tant pis. Quand on interdit quelque chose parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber, pour moi, c'est un début de tyrannie. Je suis désolée. Dans ces cas-là, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Les films de Matrix, on aurait dû les interdire certainement. Culte, on l'a interdit, je l'ai lu, je n'ai pas trouvé ça si terrible que ça. Si on se met à interdire des choses parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être choquant. On interdit aussi l'humour noir. On interdit à peu près tout. Du coup, moi, je trouve ça plus dérangeant d'interdire sens parce qu'en plus, ça donnerait à des petites têtes l'envie de le faire. Donc, ça donne plus un aspect interdit. On va voir jusqu'où ça peut nous pousser. Tandis que si ça reste quelque chose qui peut être joué avec toutes sortes de publics, ceux qui pourraient justement déraper pourraient jouer avec des gens qui ne dérapent pas et les amener du coup à rester dans la réalité. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un jeu comme Sens qui peut te pousser dans tes retranchements. Quand tu décides de mélanger réalité et fiction, c'est que tu as déjà un problème à la base. Hein. Mais là, d'ailleurs, le problème, c'est qu'ils ont vécu en fait, un souci avec un joueur. Ils ont eu ce souci. Donc, quelque part, ça se comprend, vu leur expérience. Mais c'est clair que là, tu reviens sur l'élément, à mon avis, capital de cette entrevue. C'est l'annonce de l'interdiction de sens dans une association. Non, mais de toute façon, moi, je suis contre la majorité des interdictions au niveau de la création, puisque dans ces cas-là, non seulement ça n'apporte rien, mais à partir du moment où on empêche quelque chose d'être créé, ce sera pire après. Généralement, il y a des gens qui vont aller chercher justement ce qu'il ne faut pas trouver dans sens. Sens, pour moi, bon, voilà, il se trouve qu'ils ont été choqués. Peut-être parce que moi, j'ai été toujours avec des gens bien droits dans leurs bottes et tout. Bon, moi, je n'avais pas vécu ça comme tel. Mmh. Mais peut-être s'ils n'avaient pas eu cette expérience-là, ils n'auraient pas vu la même chose. Mais dans tous les cas, interdit sens, il sera joué ailleurs que dans la sauce, tout simplement, quoi. Et même les petites têtes pourront y jouer. Et justement, ils n'auront personne pour les aider. Personne de l'association ne pourra aider ceux qui pourraient justement être amenés à partir ailleurs. Mais je veux dire, ce qui amène le plus, à mon avis, ce souci, c'est qu'on joue sans dés. Ouais. Et que du coup, on est obligé vraiment de faire jouer l'imagination plutôt qu'avec les dés, où à mon avis, on a déjà plus quelque chose de visible dans les actions. Je veux dire, il y a le dé qui roule sur la table, etc. C'est un problème qu'on peut retrouver dans tous les jeux sans dés, mais s'il y a des gens qui sont capables de mal tourner à cause de ça, c'est pas en interdisant et en les obligeant à jouer ailleurs que dans l'association que ça va les aider. Bobo, tu voulais tout à l'heure. Bon, ils ont interdit sens à leur asso. Bah ouais, bah ils ont bien fait. C'est une réaction que je trouve saine. D'accord. Faut pas oublier que le jeu de rôle, c'est un jeu. On est là pour s'amuser. C'est un loisir. Eux, manifestement, par le biais d'un ami, ont une expérience de jeu malheureuse. Ils veulent éventuellement pas leur vie, ce qui se comprend complètement. S'ils considèrent que ce n'est pas un jeu pour eux et qu'ils ne vont pas trouver de l'amusement là-dedans, bah effectivement, ils n'y jouent pas. Moi, je trouve leur réaction tout à fait saine. Bon, après, le coup d'interdire, pour moi... Quand tu n'aimes pas un jeu, c'est normal de ne pas y jouer. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça, toi. En fait, quand tu parlais d'interdiction, c'est un autre débat. Là, il y a une dimension quand même politique dans ce que dit Flavie. Toi, ce que tu invoques plutôt, c'est le principe de... Bah, voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. S'il y a un truc qui nous amuse pas, on l'interdit. Moi, pourquoi l'interdire dans ce cas-là? Pourquoi pas dire à ces deux joueurs, bon bah vous deux, si ce jeu touche votre vécu, vous n'y jouez pas. Mais du coup, parce que Volion joue dans son asio. Enfin, tu vois. Bah, je te dis, ils ont eu une expérience avec un ami qui est assez traumatisante. Ça les touche. Donc, s'ils sont un petit peu obtus sur le sujet, bon, je peux que les comprendre. Ouais, non, mais clairement. Après, juste pour revenir sur le débat, sans c'est-il un jeu dangereux? Pour moi, définitivement non. Par rapport à n'importe quel autre jeu de rôle, il n'est pas plus dangereux, pas moins dangereux. Après, à la question est-ce que le jeu de rôle est dangereux ? Potentiellement oui, parce que c'est une activité à peu près au même titre que le théâtre d'interprétation, où forcément tu joues sur une part de schizophrénie. Pour moi, ça va pas créer un problème, ça va juste le soulever. Tu vois, c'est un petit peu comme le débat avec les jeux vidéo. Ouais. Le jeu vidéo rendait épileptique. Ouais. Bon, on se rend compte que non, il rend pas épileptique, il révèle une épilepsie. D'accord. Le jeu de rôle, pour une instabilité, pour moi, c'est la même chose. Ça va révéler une faiblesse dans la personnalité de quelqu'un, ça va pas la créer. D'accord. Donc, est-ce qu'il est dangereux ? Non. Est-ce que l'activité en elle-même est dangereuse ? Potentiellement oui, parce que tu t'impliques personnellement. C'est juste une version un petit peu plus active de regarder un film. Tu regardes un film, il peut te choquer, tu ne vas pas l'aimer. Ça veut dire que tu t'es impliqué dans le film émotionnellement et ça t'a choqué. Bon, le jeu de rôle est un peu moins passif parce que tu participes à une histoire, tu crées l'histoire, tu fournis les émotions, les choses comme ça. Donc, potentiellement, il y a un danger, mais... En soi, un jeu de rôle n'est pas dangereux, quoi. Ce sont l'interprétation comme des participants. Comme disait Flavie tout à l'heure, elle a joué avec des gens qui étaient bien dans leur botte, bien dans leur tête. Ils jouent au jeu de rôle où il y a de l'immersion, mais bon, on est suffisamment mature pour prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et de pouvoir se dire, bon, je redeviens la personne que je suis au quotidien et voilà, j'ai passé un bon moment et ça s'arrête là. Mais moi déjà, je suis même pas sûre quand on joue à un jeu de rôle qu'on devienne quelqu'un d'autre. Ah non, mais que on n'oublie jamais qui on est, et quand on se met à jouer à un jeu de rôle, on n'oublie pas qui on est. On essaie de faire du roleplay, certes, mais il y a toujours notre personnalité derrière. Moi, je suis quelqu'un d'un peu chaotique, j'ai jamais été foutu capable de jouer quelqu'un de droit et d'ordonné, c'est tout quoi. On n'oublie pas qui on est quand on joue à un jeu. Tu veux dire qu'à chaque fois quand tu as joué un perso, c'était toujours Flavie dans une autre situation. C'est mon imaginaire dans un lieu imaginaire, et mon imaginaire, il est lié à mon vécu, il est lié à Flavie. Voilà. D'accord. Donc, mais ce que dit Benjamin est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en soi, l'activité rôliste est potentiellement dangereuse pour des personnes qui se révéleraient avoir tel ou tel... Oui, mais pas plus que Matrix, pas plus qu'un bon livre. Je veux dire, à cause de Matrix... Entre guillemets, à cause, il y a deux jeunes qui ont pris des armes et qui sont allés tuer tous les gens de leur lycée. À mon avis, la vérité, c'est pas Matrix. La vérité, c'est qu'ils supportaient pas les gens de leur lycée et qu'ils avaient carrément quelque chose qui allait pas dans leur tête. C'est tout, quoi. Thomas, tu voulais intervenir. Excuse-moi, je donne un peu la priorité à Flavie, parce que je sais qu'en cours de podcast, elle va devoir nous quitter. Donc, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est à propos de l'interdiction. Moi, je suis comme Benjamin. Je comprends qu'une assoce interdise Sens. La raison qui est simple, c'est qu'il y a quelques années, le jeu de rôle a fait beaucoup parler de lui, comme quoi c'était un jeu dangereux, parce qu'on mélange la réalité et la fiction, donc des gens pouvaient facilement déraper. C'est une association, ils n'ont pas envie d'avoir des emmerdes. Maintenant, Sens est un jeu qui joue beaucoup là-dessus, sur la réalité et la fiction. Donc, en jouant à ce jeu-là, il faut... En ayant créé un jeu autour de ça, fallait s'y attendre que des gens directement interdisent le jeu. En plus, là, ce qui a fait la force de l'interdiction de ce jeu-là, c'est qu'ils ont eu l'expérience de quelqu'un qui a dérapé, donc encore plus, ils ne veulent vraiment pas avoir d'emmerde, quoi. Même en sachant que, de toute façon, ils ont un de leurs adhérents qui maîtrise ce jeu ailleurs, donc ils sentent que ça se continuera, quoi. Est-ce que tu sais avec quel jeu il a dérapé ? Je me pose la question. Non, bah non, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu crois, Volion, que tu pourras... je sais pas si c'est possible de savoir. Je m'intéresserais assez à ça, de savoir avec quel jeu il a dérapé, si c'était avec ADD. Je crois que si on est cohérent, on n'a pas besoin de poser la question. Oui, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça. Parce que ce qu'on vient de dire, grosso modo, si on peut faire un bilan de ce qui vient déjà d'être dit, c'est que le jeu n'a que peu d'importance. Ce qu'il y a, c'est la personne qui y joue a le jeu de rôle révèle ces potentiels problèmes. Alors moi, je suis pas psychologue, donc je sais pas, mais ces potentiels problèmes mentaux, ces problèmes familiaux qu'il peut avoir et qui vont faire qu'il va s'isoler. Flavie, tu voulais, ouais. Dans ces cas-là, pourquoi interdire Sens en particulier ? Qu'est-ce qui fait que Sens pose véritablement souci ? Parce que c'est un jeu de rôle parmi d'autres. Parce que la problématique de Sens ou la question fondamentale, dans Sens, c'est tout de suite... Mélanger la réalité et la fiction, c'est pour ça qu'on interdit Sens. Les autres jeux ne présentent pas ça. Les autres jeux, on te propose un univers. Non, les autres jeux, on te propose... Fait des grimaces. Ah, non, Dans les autres jeux, on te propose un univers et tu interviens dans cet univers. On ne te dit pas clairement qu'il y a la fiction, il y a la réalité. On ne va pas mettre les faits de ton personnage, enfin de toi en tant que joueur. On ne va pas te faire apparaître toi joueur dans un scénario. Néphilim, j'ai juste ça à dire. Néphilim. Bah Néphilim, vas-y. Moi, je connais Néphilim. Vas-y, qu'est-ce bah, qu'il y a dans Néphilim, tu joues dans le normalement dans tu définis le personnage que tu vas avoir. Moi, c'est comme ça que Yann me l'avait expliqué. Le truc de Néphilim, c'est que tu joues un esprit qui s'incarne dans un voilà, corps. Voilà. Et normalement, l'esprit pour pouvoir le mettre en place sur les fiches de perso, il doit être inspiré un peu de ce que t'es dans la vraie vie. C'est ce qu'on demande de faire de façon à avoir une attache avec le monde, c'est ce que la plupart des MJ font. Maintenant, le jeu en lui-même n'impose pas cette règle. Ouais. On ne demande pas de le faire. C'est les MJ, généralement, vu que c'est un monde contemporain, donc un monde que toi tu connais, on te demande, bah, mets-toi en tant que joueur dans ton personnage, de façon à encore pouvoir plus triper et faire du méta-jeu en te baladant. Par exemple, quand tu vas dans Notre-Dame, dans le jeu, on te parle qu'il y a plein de codes ésotériques qui existent vraiment, puisque ça a été tiré de bouquins. Donc à partir de là, toi, quand ton personnage il va dans ce jeu, tu vois, donc va dans Notre-Dame, va voir des codes. Toi, après, en tant que joueur, quand tu vas dans cette église, tu retrouves les codes et tu vas reparler de lui, je sais que c'est un Faerim. Mais voilà, c'est quelque chose que les MJ apportent. Il y a quand même le mélange de la fiction et de la réalité. Quand tu vois par exemple que Néphilim définit clairement certains personnages historiques comme François Mitterrand, comme bien d'autres, comme des Néphilim ou comme des personnes ayant œuvré. Oui, alors, mais la différence, c'est que on va prendre le monde contemporain qu'on connaît et on va dire, bon, on va l'intégrer dans l'autre jeu. Oui, ça limite même dans Cthulhu, c'est déjà le cas. Dans Cthulhu, c'est déjà le cas. Oui. En fait, l'idée, c'est que là, toi, dans le sens, la différence, c'est que c'est toi, joueur. Oui, t'as raison. C'est ton joueur qui est là, quoi. Donc, le truc, c'est que c'est en fait, sens, c'est un peu un jeu qui dit explicitement dans les règles. Attention, les joueurs ont un impact sur le jeu. Mais sans, tu as créé ton jeu pour ça. Le but, clairement, c'est de dépasser ce tabou. Moi, j'en ai marre de me dire qu'avec le jeu de rôle, on ne peut pas parler de ça, alors que le fait qu'on soit impliqué dans une fiction, qui est une partie de nous, qui soit incarné dans un personnage, etc., c'est quand même un moteur pour créer des choses nouvelles, pour impliquer des gens dans des problématiques philosophiques. Là, par exemple, c'est le cas avec Sens, c'est ce que je recherche. Maintenant, c'est ce que je dis à Volion dans l'interview, quand je lui dis que moi, c'est pour moi, dangereux, c'est presque un compliment. Si dangereux, ça veut dire nous toucher, bah oui, c'est le but, il me semble, d'une œuvre, c'est qu'elle nous touche. C'est ça, le truc. Maintenant, on est face à un cas particulier qui est que ces gens ont déjà eu des problèmes, des soucis avec ça. Et donc, du coup, l'interdiction tombe, quoi. Et le souci, c'est est-ce que la grande question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que cette interdiction dans une asso ne va pas en motiver certaines autres à le faire ? Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un à Eclipse à Rennes qui m'a clairement dit que lui, il ne pouvait pas permettre à certains joueurs de lire le jeu. Ça, c'est quand même le deuxième retour que j'ai sur ce truc. Sur les forums, j'en ai eu d'autres. Ça commence à faire pas mal. Il faut se mettre à la place des gars de la sauce. Après, juridiquement, s'ils laissent faire, ils peuvent avoir des emmerdes. Donc, ouais. Mais on sait jamais. Imagine qu'un gars joue à Sens et pète un câble. On sera emmerdé. Hein. Toi, d'une part, tu seras emmerdé en tant que créateur. Mais oui, mais la sauce derrière lui peut être emmerdé parce qu'il a laissé faire et qu'il les a pas aidés. Je veux dire, même si on pourra jamais prouver que c'est le jeu de rôle qui lui a fait péter un boulon. Je pense même d'un point de vue éthique, tu dois réfléchir à dire ah, j'ai peut-être abusé en faisant ça, c'est vrai que certaines personnes, c'est limite pour eux. La première problématique qui est développée dans ce sens et dans la première épreuve du bouquin, c'est Wilfried qui tue des gens à cause de ses poèmes. Et toute la problématique sur laquelle doivent réfléchir les joueurs dans la première épreuve, c'est Wilfried est-il responsable de la mort des gens ? C'est-à-dire, l'artiste est-il responsable des conséquences de ses œuvres sur ses lecteurs ? C'est ça la question. Et pourquoi j'ai choisi de mettre cette épreuve en premier ? C'était justement parce que je pensais bien qu'à un moment donné, il y aurait ce genre de soucis. Et moi, ma réponse à ça, elle est exactement comme... je pense qu'elle sera très similaire à celle de Flavie. C'est de dire que l'auteur n'a pas de responsabilité sur les conséquences des œuvres qu'il écrit. Surtout lorsqu'il affirme que c'est de la fiction. Même si la réalité... Puis ça n'a pas, enfin, il n'y a pas que dans l'écriture qu'on retrouve ça. Je veux dire, le cri de Munch, il déclenchait des gens qui devenaient fous en le voyant. et on n'a jamais interdit le cri de Munch. Bon, il se trouve que maintenant il a été perdu, mais c'est pas la seule. Les gens qui vont, les Américains qui vont pour la première fois à Florence, ils deviennent fous en voyant trop de beauté d'un seul coup. Je veux dire, c'est pas de la faute à Michel-Ange s'il vit dans un endroit moche. C'est juste que voilà, la création a toujours provoqué des choses. Je veux dire, c'est même Aristote le disait il y a des milliers d'années, donc faut arrêter quoi. C'est vrai. Ça a toujours provoqué des choses chez les gens, et c'est pas pour ça qu'il faut interdire la création, quelle qu'elle soit. Mais non, mais l'interdiction de la création, s'il y avait une vraie interdiction, d'un point de vue état, on dirait déjà, non, le jeu de rôle, c'est fini, on n'en fait pas. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes, parce qu'il y a déjà eu des problèmes. Ouais, à l'époque où il n'y avait pas eu les problèmes qu'on avait eu dans le monde, donc il y a quelques années, dans le jeu de rôle, on n'aurait pas ces histoires de problématiques. Les gens y joueraient. Mais vu que c'est arrivé une fois, moi j'aimerais bien qu'on dise. Enfin, je sais bien qu'on dit c'est arrivé, mais aux États-Unis, bizarrement, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce débat. J'ai l'impression que le débat il a été emmené en France par Mireille Dumas et une télévision de bas étage qui voulait juste racoler à grands coups quoi de bras dans les airs. Regardez, c'est dangereux. Bizarrement, aux États-Unis, il y a des clubs de jeux de rôle dans tous les lycées et ça pose aucun problème. Tiens, c'est une question que je me suis jamais posée de savoir. Parce que ça devenait aux États-Unis, j'en sais rien du tout. Voilà, je te le dis, il y a des clubs de jeux de rôle dans tous les lycées. Ah oui, non. Et bizarre, c'est juste des gros geeks qui y jouent, mais voilà quoi. Il y a des clubs, mais je pense que tu vois, il doit avoir des mouvements qui, eux, le jeu de rôle, non, c'est trop dangereux. Oui, mais aux États-Unis, il y a des jeux de rôle qui veulent interdire tout. Je veux dire tout et n'importe quoi. C'est pareil, tout ce qui est psychanalyse aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très courant. Et on sait que le jeu de rôle est beaucoup utilisé dans ce genre de domaine. Donc peut-être que le regard du jeu de rôle aux États-Unis est différent que le regard qu'on a nous en France. Nous, on a nos exemples en France. Moi je comprends qu'on puisse interdire un jeu. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour moi, ça reste un jeu. Aucun jeu n'est dangereux. Faire l'interdiction, je trouve ça un petit peu con, mais je peux le concevoir. D'accord. Pierre, qu'est-ce que ça t'inspire cette entrevue ? Alors, c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai eu la chance, l'opportunité en tout cas, de playtester le premier scénar qui était dans la base. Lequel ? Akina ? Voilà. Tu l'as fait avec tes joueurs ? Non, je l'ai fait en tant que joueur. Tu as fait Akina en tant que joueur ? Oui, c'est toi qui était le maître de jeu. Sans déconner, je n'en ai aucun souvenir. Et je m'en souviens très bien, donc le jeu se passait très bien, on a été jusqu'à la fin. Et il est vrai que quand j'ai vu mon corps dans un formule, ça m'a un peu dérangé. Mais comme je connaissais le jeu et que je suis habitué à jouer à Sens, ouais. Donc ça m'a... Ça a amorti la chute. Et puis même, après, je me suis dit, bon, il est vrai qu'on peut être un peu dérangé, mais on a toujours un peu... je suis très curieux de base et ça m'a intéressé de savoir continuer les différentes parties de Renaissance et essayer de découvrir pourquoi. Pourquoi, hein. Pourquoi on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Bon, après, il faut partager, il faut écarter les deux mondes, le monde du jeu de rôle et la vie de tous les jours. Donc, on sait que, moi en tout cas, pour moi, je distingue bien les deux. Il faut comme distinguer un jeu vidéo avec la vie de tous les jours. Tout à fait, un film avec la vie de tous les jours, un livre, ainsi de suite. C'est que on entre... Comme la publicité avec la vie de tous les jours. On veut, hein, on veut pas participer à un jeu. Et à partir de là, on se met des limites, ça reste un jeu et on pratique pour s'amuser un soir et ainsi de suite. Et puis dès que le scénario est fini, on retourne à ce qu'on est. Je me souviens d'un truc quand même qui avait été dit dans les apports du JDR, donc dans le podcast hors série avec Yann Sully et Dédé. Le podcast du chaos, comme on l'a appelé, où il disait, Yann, un truc très intéressant et très intelligent. Il disait le jeu de rôle, ce que je trouve génial avec ce jeu, c'est que ça nous apprend justement à prendre du recul. À se dire, mais finalement, le monde qui nous entoure, c'est pas un gigantesque jeu de rôle. Les médias dans tout ça, est-ce que la manière dont ils interprètent les choses, c'est pas un petit peu une fiction, etc. Et moi, il me semble que le jeu de rôle apporte ça. C'est un apport énorme, un esprit critique, de la prise de recul. C'est quelque chose à côté de quoi on peut pas passer. Et je trouve ça dommage de se priver de pouvoir écrire des jeux qui traitent justement de cette problématique-là. Flavie. Mais peut-être, je me rappelle de ce qu'avait mis Volion sur le forum, sur lequel j'étais peut-être plus ou moins d'accord avec lui quand même. c'était le fait qu'on rentrait, enfin cette de toute façon, fin. Roland, lui, c'est le premier. Voilà, mais cette fin dans le formol était peut-être un peu trop abrupte pour un tout début de jeu, et que peut-être y aller dans le progressif pour aller, parce que il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude de prendre du recul sur ce qu'ils vivent. Peut-être y aller plus progressivement quand tu sais que tu as une table peut-être de joueurs moins aguerris, moins habitués à ce genre de choses. Peut-être y aller plus progressif, y aller pas comme pour ton scénario de Blue Sky. Au début, il y a que les noms, et puis au fur et à mesure. Ben, aller plus loin là-dedans, peut-être faire un truc plus progressif, prévoir peut-être d'en faire un petit changement dans ton kit d'initiation pour dire ben là c'est la celle du début, mais si vous pensez que c'est trop loin, voici une nouvelle version plus progressive. Moi je me suis dit, quand j'ai écrit le truc, encore une fois, j'ai pensé au MJ. Je me suis dit, comme ça au moins le MJ sera pas surpris, il sait où il va. Ah, Flavie s'en va. ça y est. Je suis désolée, je vous laisse, je dois partir. Ok, à plus. Au revoir. Salut Fly. Salut. Bobo, on t'entend plus trop. Ouais. Quelque chose à. Non. T'as tiqué un petit peu. Ah, vas-y. Alors, non, moi je voulais juste revenir brièvement là sur la personne à la convention Eclipse qui t'avait dit, moi je ne le ferai pas jouer. T'étais là? Tu te souviens? Je sais que j'étais pas passé, mais. Ouais, mais non, ça me dit rien. J'ai pas dû le voir, le mec. Mais. Tu vois, par rapport à ça, je trouve ça bien, parce que tu disais tout à l'heure, l'auteur a pas forcément de responsabilité vis-à-vis de son œuvre et la façon dont les gens vont l'apprendre. Par contre, le MJ, si. Et je trouve ça très bien qu'une personne se dise, moi, je connais mes joueurs, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils veulent pas, je sais comment ils peuvent réagir ou non. Donc je sais que ce jeu de rôle, de par ses problématiques et la façon dont on le joue, eh ben je vais pas le refaire, tout simplement. Et je trouve ça rassurant que justement y ait des MJ qui soient matures et qui soient responsables, qui se disent bon bah non, ça je vais pas le faire avec. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que les endroits où il y a eu des dérapages, c'est de la faute du MJ. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Attends, on va pas faire du raccourci tout le temps, mais ou partout, mais. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce que tu as dit. Tu as dit que le MJ avait une responsabilité. Oui, ça veut dire que c'est de sa faute, parce que s'il y a des dérapages, c'est évidemment de la faute du premier responsable, c'est-à-dire le mec qui dérape. Là-dessus, on est tous d'accord. Il y a aucune personne qui a suffisamment d'emprise sur les gens pour pouvoir les faire déraper, sauf des gens qui hypnotisent, des images subliminales, des techniques. Parce que moi je trouve que et encore même pas dans ces cas-là, on peut pas dire. Moi parler de responsabilité du MJ, je vois pas en quoi le MJ a une responsabilité sur sa table sur des joueurs avec qui tu joues souvent. Si, je suis désolé, Thomas. Prenons par exemple un exemple concret. Frédéric l'autre jour, donc Frédéric vient d'être papa, d'accord ? Il vient d'avoir une fille. Il nous a dit l'autre jour à la barreau, bon bah les gars, en ce moment, par contre, je suis assez sensible sur ce sujet-là, donc dans les parties, j'aimerais qu'on évite les blagues sur mange ton bébé, machin truc, des trucs comme ça. Mais même, il nous l'a dit même en dehors de scénar. Bon bah là, c'est de la responsabilité du MJ de pas justement faire, de respecter la volonté de ce joueur et de s'interdire ce qu'il a dit. Par exemple, tu vas pas jouer avec quelqu'un qui a perdu un de ses proches parents des scènes qui mettent qui, tu vois ce que je veux dire, enfin oui, quand tu es au courant. Oui, quand t'es au courant. Quand parce t'es au courant. Que nous on joue entre amis, mais en assos tu peux très bien jouer avec des gens que tu connais pas du tout. Et oui, c'est tout le problème. Ben, c'est oui, pour ça que quand derrière ils te disent on veut pas jouer à ce jeu là, bah tu respectes leur décision, dis moi, voilà. Ben, cela je rejouerai pas, enfin on rejouera pas mais... à ça ensemble, quoi. Ouais, mais là c'est une association, c'est une personne morale, c'est bizarre. Enfin moi je trouve, je sais pas, il y a un problème là-dessous, mais j'arrive pas encore bien. Je sais pas comment le dire. Le fait qu'un MJ prenne la décision en son âme et conscience de pas le faire jouer aux joueurs pour des raisons personnelles de joueurs, c'est une chose. Qu'une association interdise un jeu. Là-dessus, je rejoindrai assez le discours de Flavie. Mais derrière une asso, t'as forcément des hommes. Oui. Ouais, non, ça peut être une personnalité morale, on peut pas se cacher derrière non plus. C'est très complexe, très très complexe. Pour moi, mais bon, ouais, je suis philosophe, alors forcément, dès qu'on parle un petit peu de responsabilité, je m'excite tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir dans le concret aussi parfois et se dire, bah voilà, concrètement, ça passe pas. Quoi. Bobo, tu avais encore d'autres choses à ajouter ? Parce que moi, j'ai des trucs à te dire. Enchaîne, vas-y, mais je t'attends. Écoute, je t'ai vu tiquer lorsqu'on écoutait l'interview sur le fait que Volion fasse des études de psychologie. Donc là, c'est encore lié à la responsabilité du MJ. Là. Ah, je te vois avec un grand sourire, comme quoi, si je t'avais baisé, là. Non, mais... C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la psycho? Bon, Volion le prend pas mal, hein, mais t'étais parfait pour tomber dans le cadran en faisant des études comme ça, faut pas se leurrer. D'ailleurs, on note qu'il y a deux types de profils pour la MJ de Sens. Psycho et philo. Non, psycho et informatique. Informatique. Ouais, alors c'est ce que c'est, je sais pas, c'est peut-être parce que les rôlistes sont massivement des informaticiens, je sais pas, mais voilà. C'est dans le domaine du possible. Et donc Soldevan qui récemment a déclaré qu'il faisait des études de philo. Donc, mais c'est le seul, à ma connaissance, Soldevan qui est déclaré sur le forum faire des études de philo. Je suis désolé, je suis maître de jeu, je suis pas fort en psychologie ni en informatique. Parle plus fort, Pierre. Je suis juste un économiste. un économiste qui joue à Sens. Donc voilà, je joue à Sens. Salut, il est presque formé. C'est des choses qui arrivent. Quoi. Mais ouais, non, c'est. Et lui justement, déclare, Volion déclare explicitement dans son entrevue qu'il aime jouer avec le fait de faire poser des questions aux joueurs et jouer avec la psychologie des joueurs. Donc là, encore une fois, ça revient un petit peu aussi à sa responsabilité à lui, etc. Mais bon. Enfin, après, il a une autre table où ça se passe très très bien. Donc, encore une fois, là, il a pas eu de bol, quoi. Il est tombé sur des gens qui avaient un vécu. Moi, alors, je voudrais revenir aussi sur la querelle, enfin sur les querelles autour du jeu de rôle et du danger du jeu de rôle à la télévision. Les émissions qui sont passées à ce sujet sont nulles et non avenues. Elles n'ont aucune autorité sur ce qu'est le jeu de rôle. Sachant que les gens qu'on fait ce genre d'émissions, la plupart du temps, quand ils parlent d'un autre sujet, c'est toujours nul et non avenu. Ouais. Le problème, c'est que là, je prends le cas. C'est vrai que tu nous as fait regarder. C'était un zone interdite. C'est un zone interdite. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'ils vont faire une interview, ils vont filmer une convention, ils vont faire une interview de rôlistes. Le ouais. Souci, c'est que l'interview qu'ils vont faire, ça va durer 45 minutes, une heure, et ils nous montrent 5 minutes de morceaux choisis. On se dit, bah, génial, oui, effectivement. Moi, quand j'ai vu cette vidéo sur l'interdite, je voyais des gars en train de jouer à une table. En tant que rôliste, je comprends totalement la scène. Ouais. Maintenant, je me mets à la place d'un mec non rôliste. Il fait, c'est quoi ces tarés ? Je te vois opiner du chef, Pierre. Oui. Mais à mon avis, les personnes qui ont fait ce reportage-là n'ont jamais fait de jeu de rôle ou n'y connaissent rien au jeu de rôle. Ils n'ont pas un vécu ou ils ne peuvent pas critiquer de façon... rationnel, ce puis bon, jeu de rôle. Voilà. Zone interdite, c'est quand même dans l'idée, c'est enfin, comment dire, quand ils vont faire des enquêtes, le but c'est un peu de montrer les zones dérangeantes de la société. Donc s'ils commencent à faire une émission sur le jeu de rôle en disant bah, le jeu de rôle c'est vachement bien, ça développe l'intellect, ce serait plus zone interdite. Ce serait plutôt le journal de France 2. Ou TF1 avec Pernod, regardez dans le village un petit club de rôlistes qui aide les vieux et qui en même temps se prennent pour des héros le soir. Quoi. Est-ce que tu dis là est vrai aussi pour Bal et Masque d'ailleurs ? Alors, moi je vais pas prendre comme exemple Bal et Masque, je ne l'ai jamais vu, j'ai toujours entendu parler parce que moi quand j'ai fait du jeu de rôle, je l'ai vu, un jour j'ai appris que le jeu de rôle c'était quelque chose de dangereux, j'ai demandé pourquoi, on me dit oui, c'est à cause du Mireille Dumas. Je fais ah bon, moi je n'en avais jamais entendu à parler avant. Moi j'ai mes parents qui ont sûrement dû voir l'émission. J'ai fait du jeu de rôle, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc, pour moi, je n'ai jamais vu le côté jeu de rôle dangereux. J'en ai beaucoup entendu parler. Alors, il faut savoir quand même que toutes ces histoires et tout ce qui a déclenché cette pagaille, c'est un drame qui est survenu dans les années 90, de profanation de tombes, etc. Et que le jeu de rôle a été en plus officiellement innocenté. C'est-à-dire qu'on a bien reconnu que... Au début, on a fait porter le chapeau à une espèce de maître de jeu ou quoi que ce soit, et il a été prouvé plus tard que c'était que ça n'avait rien à voir et que les deux cas étaient séparés. Donc toute cette affaire, c'est de l'esbrouffe. Il faut vraiment la laisser derrière maintenant, je pense. Et voilà. Oh bah, je pense que tout le monde l'a laissé derrière, à part les rôlistes, qui quand on va en parler, effectivement, le jeu de rôle c'est dangereux. Eh ben, on va ressortir le Mireille Dumas. Si tu parles Les gens sont encore massivement convaincus que le jeu de rôle est une activité dangereuse. Quand je parle de jeu de rôle dans les gens qui sont autour de moi qui sont pas rôlistes, j'ai aucune réaction comme quoi le jeu de rôle est dangereux. Généralement, c'est Oh, c'est quoi le jeu de rôle ? Alors, c'est vrai pour une certaine tranche. Je pense qu'à partir d'un certain âge, aujourd'hui, maintenant, dans les 40-50 ans, le jeu de rôle commence à être reconnu pour ce qu'il est. Il y a des psychologues qui commencent pas mal à en parler. Tous les gens qui faisaient du jeu de rôle dans les années 80-90, dont on fait partie, commencent à maintenant prendre la parole et expliquer vraiment ce que c'est. On a vu No Life récemment diffuser une émission sur le jeu de rôle et montrer des jeux et puis aussi montrer une partie de jeu de rôle. Maintenant, on commence de plus en plus à avoir de l'information sur ce que c'est vraiment et les gens prennent conscience que c'est pas dangereux. Mais encore, il y a 5 ans, on aurait eu la même discussion, ou il y a 6 ans, on aurait eu la même discussion. C'est tout récent, en fait. À mon avis, les gens pensaient encore qu'il s'agissait d'une espèce de groupe de gens qui se réunissaient pour faire des trucs bizarres et pas jouer du tout à un jeu de société. Donc le problème, tu dis, il n'y a que les rôlistes qui s'en souviennent, et on peut les comprendre en même temps. Voilà quoi. Quand tu vois qu'avant les années 80-90, les associations étaient florissantes, il y avait de plus en plus de gens à y jouer. Enfin, tu regardes dans Zone Interdite, les chiffres qu'ils donnent sur le jeu de rôle, à l'heure actuelle, ce sont des chiffres qui font rêver. Quoi. Et on comprend qu'ils soient désabusés à ce niveau-là. Quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de rôlistes, moi perso, qu'il y en ait beaucoup ou pas, ça ne me change rien. Bon. Tant que j'en ai au moins 4 ou 5 sous la main pour pouvoir jouer, ça me suffit. Hein. Ok, très bien. Alors, Sens, est-il un jeu dangereux ? Donc, vous répondez tous non ? Moi, je dis non, c'est pas dangereux. C'est un jeu, c'est pas dangereux. Pas plus qu'un autre jeu de rôle. Pas plus qu'un autre jeu de rôle ? Pareil, pour moi, c'est pas dangereux. Mais, voilà, d'accord. Donc, les implications, réalité, fiction, tout ça Bah, c'est le trip du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, on va jouer, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vas surfer sur cette vague qui fait que effectivement t'as de grandes chances que beaucoup d'assos ou que beaucoup de joueurs, on va dire un peu frileux, disent que le sens c'est dangereux. Moi perso, ça reste une œuvre. Je suis capable de ressortir du jeu sans devenir complètement taré. Non, c'est qu'un jeu quoi. C'est pas dangereux. La différence. Non, on va dire que le Cluedo c'est dangereux. Quoi. La différence de sens, c'est que son sujet, c'est le mécanisme du jeu de rôle. Ouais. La condition de vérité de la réalité, de la fiction. En fait, quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est un jeu de rôle qui est un petit peu plus honnête, puisqu'il voilà, il prend ce mécanisme qui est commun à tous les jeux de rôle, hein, réalité, fiction, et il le pose comme sujet. Hein. Jeu de rôle classique, avec un maître de jeu, etc. bien mon maître. Ah, je fais toujours chier avec ça. Ah, j'aime bien emmerder le monde avec ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu dis qu'effectivement, pour toi, sans moi, un jeu de rôle, moi, dangereux. Je savais que le danger existait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai décidé de faire en sorte que la première épreuve, ce soit d'entrée de jeu, qu'on se pose la question de savoir est-ce que l'auteur est responsable de ce qu'il écrit. Parce que toi, je crois que j'ai entendu dans l'interview que tu as diffusée, tu disais que oui, sans, c'est un jeu de rôle dangereux. Non, je dis oui, alors oui, effectivement. Si dangereux, ça veut dire ça me touche, je dis oui. Sens, je voulais que ce soit un jeu de rôle qui touche les gens. Je n'avais pas envie de faire un jeu dans lequel il suffisait juste de voyager et de résoudre des enquêtes. J'avais envie de faire un jeu qui touche les gens, qui interroge sur la réalité, qui interroge sur que justement comment ça se passe une partie de jeu de rôle, qu'est-ce qui se passe, quels sont les échanges qu'il y a là. Et puis surtout de montrer en fait avec ce jeu la part de fiction qui existe dans notre réalité. Je veux dire, quand on y réfléchit bien, un bifton de 500 euros, il ne faut pas oublier que c'est qu'un bout de papier. Si on s'en fie vraiment à une analyse moléculaire de l'objet, ce n'est qu'un bout de papier. Donc ce sont des symboles qui guident la société moderne. Il n'y a que des symboles. On voit des symboles partout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a oublié. Et moi, ce que je voulais faire, c'était un jeu justement qui dise « Hey, regardez, il y a des symboles, c'est vrai, mais ça reste quand même de la fiction. On peut s'en inventer d'autres, on peut imaginer d'autres situations. » Voilà, c'était ça mon idée quoi. Donc que j'entende que ce soit un jeu de rôle dangereux, ok, mais il faut bien qu'on précise en quel sens on dit que c'est dangereux. Là par exemple, c'est clairement parce que ça touche à la psychologie de certains joueurs. C'est ça le truc. Donc bon bah là oui, effectivement, c'est de la responsabilité du MJ et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, messieurs ? Pour ma part, non. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Ben ça commence bien la saison 2 hein, avec un sujet un peu racoleur, hein, un peu. Très bas les masques. Ah ben... bas les masques, l'aiguilleur. Bon, allez, n'oubliez pas, l'essentiel c'est de moins râler. Oh ben putain, je râle. De moins râler et jouer plus. Voilà, râler moins, jouer plus, c'est ça qui compte. On vous laisse, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt tout le monde. Salut. Salut, bonne partie.